Paris, lundi 16 avril 2007. J'ai rêvé qu'on était dans une maison avec Johnny, sa mère et son frère Ben. On voyait des femmes entrer par la porte, pâles. Elles étaient choquées par un événement surnaturel. Cet événement les avait mises face à la vérité. Certaines, plus sages que les autres, avaient mieux compris cette expérience. Elles étaient plus préparées. Il y avait trois femmes en tout. Elles étaient les revenantes d'un instant, où elles avaient vu un éclair de lumière devant un grand mystère. Le mystère de la mort et au-delà de la mort. Elles avaient expérimenté une révélation sur la mort. La mort avait aussi une vérité. Elles venaient d'un enterrement, elles avaient enterré une amie, quelqu'un. Mais tout à coup, elles s'étaient aperçues que la morte n'était pas seule, qu'il y avait des morts qui accompagnaient des morts. On les voit entrer par la porte. Déjà, elles sont fortes d'être revenues. Mais le grand suspense, c'est de voir comment elles vont réagir, si elles allaient accepter cette révélation. À juger par leur visage, il y en a qui ont l'air moins dérangées que d'autres. Mais elles sont toutes traumatisées par l'expérience. Elles sont choquées, commentées. Il y en a une qui, au début, avait l'air d'aller bien. Mais après, une fois couchée dans son lit, la tête vers le mur, elle voyait de l'autre côté du mur, et de façon symétrique. Il y avait un lit avec une femme morte couchée dessus, la même femme qu'elle avait enterrée. Elle délirait, mais en même temps ce qu'elle disait était vrai. Elle l'avait vue. Je crois que cette femme était véritablement derrière le mur. Elles avaient expérimenté cette réalité où les morts sont ici avec nous. C'est la dimension magique. Tout à coup, j'entre dans une chambre et je commence à peindre un tableau, comme si on mettait un film en position rapide. Et en quelques minutes, je peins un chef-d'œuvre. Je sens le pinceau tirer ma main serrée qui me conduit. Ça, c'est la magie. Normalement, cela n'est pas possible, mais je le fais. Je suis consciente que ceci est impossible, mais je le fais quand même, parce que c'est le père de Johnny qui m'aide. Je dis ouvertement que c'est le père de Johnny qui m'aide à faire cette peinture et que matériellement et physiquement, autrement, ce serait impossible. J'appelle le frère de Johnny pour lui montrer que la toile qui était blanche tout à l'heure est maintenant peinte. Je lui demande de se rapprocher pour voir comment elle est peinte. Cela serait impossible de le faire en quelques minutes. Je lui démontre que c'est un fait, peut-être magique, mais c'est vrai, et que c'est tout simplement son père qui m'aide. Ben est jaloux, il voudrait que son père l'aide, lui. Ensuite, je me souviens qu'il y avait une fête chez ma mère et ils étaient invités, sa maman, Ben et Johnny.